Chapitre 8e. Un secret pressentiment avait averti le comte de Mondieu que, selon toute probabilité, Germaine ne rentrerait pas ce soir rue Euler. Aussi, la déconvenue éprouvée tout d'abord en constatant la brusque disparition de la jeune fille à la garde maison Lafitte, fut-elle et au-delà, compensée par l'idée que l'hôtel cette nuit-là serait seul. « À quelque chose malheur est bon, » disait-il en souriant ironiquement. « J'ai perdu une piste. » Mais je percerai ce soir une partie du fameux secret, et je serai d'autre part, avant peu, le but des allées et venues de Germaine. Il ne s'agit pour cela que de vouloir. À 10 heures du soir, il revint rue de la Victoire, où se trouvait Laurent, le concierge de la rue Joubert, l'ancien cocher de Bamboche en Italie, et Bamboche lui-même. Ce dernier, costumé comme l'avait ordonné le comte, en rôdeur de barrière, était répugnant de réalisme. « Pierre ne vient donc pas ?» demanda-t-il familièrement au comte. Pierre fait le guet devant la maison pour savoir qui entre et qui sort. Voyant que le comte était en tenue de ville très élégante, Bamboche ajouta. « Et vous, patron, sans indiscrétion, vous ne vous êtes donc pas camouflé en vue de cette expédition ?»« Non, j'ai conservé à dessein ma tenue de gentleman, au cas où nous serions surpris. Comme j'ai mes entrées dans la maison, je pourrais, tout en ayant l'air de vous combattre, favoriser votre fuite. » Maintenant tout est prêt. Tu as les instruments de travail, n'est-ce pas, Laurent ? Oui, maître. Et Pierre est parti avec les siens. Nous allons sortir chacun de notre côté, toi par la rue Joubert avec Bamboche et moi par la rue de la Victoire, et nous nous rendrons à pied, sans nous presser, rue Euler. Quand ils arrivèrent de 3 directions différentes, ils virent une voiture qui stationnait presque en face de l'hôtel. Un homme vêtu en commissionnaire en sortit et vint dire au comte à voix basse. « La personne en question n'est pas rentrée. » Le cocher et le valet de pied sont absents, je ne sais où. La femme de chambre est couchée. Du reste, peu importe. Si elle gueule, on lui serra le gaviot. Sauf le concierge, la valetaille n'est pas à craindre. Tout s'agite dans les communs. Très bien, fit le comte. Tu as toujours la lettre que je t'ai remise avant dîner ? Oui, maître. Tu es allé chercher le bouquet de roses mousseuses chez la fleuriste ? Oui, maître. Tu vas congédier ton cocher, qui est un homme à nous, n'est-ce pas ? Sans doute. C'est Gringalet. Mais si vous le permettez, je le ferai stationner un peu plus loin. Il attendra. Quelquefois, on a besoin d'une roulante pour s'esbigner plus vite. À ton idée. Maintenant, tu vas prendre ta lettre et le bouquet. Tu sonneras, tu remettras l'un et l'autre au concierge avec ses 5 louis. Tu feras l'homme qui a un peu bu et qui a envie de bavarder. Tu tâcheras de parler haut et d'endormir son attention. Pendant ce temps, nous nous glisserons à pas de loup dans l'obscurité à tout hasard. Il était à ce moment un peu plus de 11 heures. Le concierge, qui s'était couché peu de temps auparavant, dormait profondément. Toutes les lumières étaient éteintes, preuve que la maîtresse du logis n'était point attendue et ne rentrerait pas. Les choses se passèrent en conséquence mieux encore que le comte ne l'avait prévu. Au coup de sonnette, le concierge tira machinalement le cordon et Pierre, ayant laissé la porte entrebâillée, s'avança vers la loge monumentale composée de 2 pièces. Guidé par la lueur d'une simple veilleuse qui brûlait dans celle du fond, il arriva portant la lettre, le bouquet et les 5 louis, trouva un homme bâillant et ronchonnant qui d'abord le reçut fort mal. Pierre, sans se laisser démonter par cet accueil rébarbatif, lui conta un boniment. « Né, mon camarade, un mot de billet pour votre patronne, ex-bouquet. Un bouquet repeint avec embaume, je vous dis que ça. Faut qu'elle ait rien du galbe, votre patronne, pour qu'on lui fiche comme ça des bouquets de 300 francs. Puis tenez encore, ça pour vous. Concierge mon cœur, pour boire la goutte. 5 jaunets que l'amoureux vous donne. Faut croire qu'il en pince dans les grands prix. » Le concierge, rasénéré à la vue de ce joli pourboire, devint moins rébarbatif et, tout en congédiant plus amicalement le commissionnaire, se mit en devoir de reprendre son somme interrompue. « Payez pas un verre ? » demanda Pierre. « Non, pas ce soir, vous repasserez demain. »« Demande pas mieux. Puis voilà. » « Suis peut-être un peu éméché, repassera demain, parole d'honneur. »« Oui, oui, bonsoir. Vous retrouverez bien la porte. »« Pas encore si enrayé-botte que ça, tout de même. » Pendant ce colloque, le comte, Bamboche et Laurent s'étaient faufilés sous la voûte bordée de 2 larges trottoirs par où passaient les voitures et les piétons. Ils avaient traversé sans faire le moindre bruit la cour, puis gagné le vestibule au fond duquel se trouvait l'escalier monumental donnant accès aux appartements du premier. Ils s'arrêtèrent un moment pour attendre Pierre, auquel le comte avait fait préalablement une description détaillée des lieux. Le coup retentissant produit par la porte en se refermant vibra dans tout l'hôtel et les fit tressaillir. A-t-il réussi à rester dans l'intérieur ? Se demanda le comte inquiet. 2 minutes après, la grande silhouette de Pierre se détachait sur la pénombre, et sa voix murmurait basse comme un soufflet. « Voici, maître, ça va tout seul. »« Comment as-tu fait ? » demanda mon Dieu. « Rien de plus simple. J'ai poussé la porte et je suis resté au lieu de sortir. Le concierge n'a même pas vu du feu. »« C'est parfait. Maintenant, suivez-moi et au travail. » Avec d'infinies précautions, ils prirent l'escalier dont l'épais tapis assourdissait le bruit de leurs pas. Ils arrivèrent à la porte du salon, et le comte, ayant pris des mains de Laurent une petite lanterne électrique, guida leur marche. Ils franchirent le salon, de cette allure de spectre familière aux cambrioleurs, et parvinrent sans encombre dans le boudoir où se trouvait le coffre-fort. « Voilà, » dit le comte à l'oreille de Pierre et de Laurent, « le meuble dont il vous faut absolument le contenu. Pensez-vous pouvoir le crocheter ou faudra-t-il le forcer ?» Laurent prit la lanterne, la promena sur toutes les faces métalliques du coffre, un véritable monument de fer, haut et large comme une armoire. Quand il l'eut examiné à loisir, il dit « C'est de la camelote !»« La vraie camelote !» renchérit Pierre, qui paraissait également expert en serrurerie. « Oui, » reprit Laurent, « on pourrait découper à la scie circulaire dans un panneau, un morceau assez grand pour passer la main. » « Sans doute, et la scie mordrait, ce n'est que de la tôle d'acier, s'il est permis à des gens chics d'acheter de pareilles contrefaçons de chefs-d'œuvre qui sont faits rue Richelieu. Et où nous avons étudié le coffre-fort, hein ?»« C'est bête, les riches. Sans vous offenser, patron. Ça prend de confiance, la première saloperie venue, » dit Pierre en s'adressant au comte. « Êtes-vous pour le découpage ?»« Non, je voudrais que le coffre fût ouvert et refermé de façon à ce que son propriétaire ne s'en aperçût pas. » Alors il nous faudrait 4 heures à nous deux, Laurent. Et encore, on ferait peut-être un peu de bruit. » Bamboche, vivement intéressé, écoutait de toutes ses oreilles, écarquillait les yeux, se demandant comment les deux voleurs ouvriraient ce meuble qui lui paraissait une vraie forteresse. « 4 heures, avait dit Pierre. On n'aurait jamais le temps. Mieux valait tenter de le forcer de le crocheter. « Essayons d'abord de faire chanter le rossignol, » dit Laurent. Il tira d'une trousse en cuir une série de crochets de toutes formes, de toute grosseur et brillant comme de l'argent sous la lueur de la petite lanterne à incandescence. « Minute !» interrompit Pierre. « Ces bourgeois calés, ça vous a des distractions. Puisque la propriétaire d'ici est une femme, raison de plus. Les femmes, ça n'a pas plus de tête qu'à un ton. » Pierre introduisit dans la serrure un instrument fin comme un stylet et le fit évoluer avec des minuties, des précautions d'horloger maniant une montre. « tonnerre de Dieu !» Qu'y a-t-il ? Fit mon Dieu. Y a que la sacrée ponif a oublié de tourner entièrement les boutons de sûreté. J'ai vu cependant qu'elle les manœuvrait l'un après l'autre, dit le comte. Elle ne les a pas tournés à bloc, sans cela. Sans cela quoi ? Voyons, achève et faisons vite. Bien, le coffre serait fermé à secret, tandis qu'il n'est bouclé que par 2 tours de serrure, comme un placard ou une porte de chambre. Mais alors, c'est parfait. Tellement parfait que dans 10 minutes au plus, et montre en main, la lourde sera débridée. La porte sera ouverte. Et le comte songea. Peut-on imaginer une pareille négligence de la part d'une femme aussi forte que Germaine? Oublier de faire agir le secret. En vérité, on n'est pas absurde comme cela. Dans tous les cas, ce n'est pas à moi de m'en plaindre. Sans heurts, sans bruit, sans à-coup, Pierre, dont les gros doigts avaient des souplesses inouïes, s'escrimait après la serrure. Ils avaient déjà changé 2 fois d'instrument, pendant que Bamboche prêtait l'oreille au bruit du dehors et que le comte mordillait d'impatience les poils de sa moustache. On entendit dans l'intérieur du coffre un claquement sec, et Pierre dit de sa voix sourde « C'est le premier tour. Dans un moment, ce sera fait. » 1 minute après, on percevait pour la 2e fois le bruit du déclic, et l'habile cambrioleur disait « Ça y est. Vraiment, c'était pas la peine de faire tant d'histoires. Un arpète en aurait fait autant. » Enfin, je vais donc savoir, fit mon Dieu, la main frémissante, l'œil ardent de convoitise. Mes enfants, vous serez richement récompensés. Minute, patron. Il y a encore le bec de canne. Un rien. Si... Pierre, qui était baissé devant la porte, se releva et recula d'un pas pour lui permettre de s'ouvrir toute grande. On entendit un craquement intense. Et subitement, le pied gauche du bandit s'enfonça comme si un morceau de parquet s'était effondré sous lui. « Tonnerre de Dieu de misère ! Je suis foutu !»« Que t'arrive-t-il donc ?» demanda le comte inquiet en dirigeant sur le plancher la lueur de la lanterne. « Y'a que j'ai dit trop tôt que la sacrée femelle n'avait pas fait agir le secret, et que son coffre était de la camelote. Y en a eu un de secret, et un tapé qui me tient par une patte. Oh, sans Dieu, je n'avoir pas songé à ça, ni toi non plus, Laurent. » Le comte regardait, avec une stupeur à laquelle se mêlait une vague épouvante, un trou carré, tout noir, qui brusquement s'était formé au moment où la porte s'ouvrait. Et il frémissait en songeant que lui-même aurait pu se trouver là, devant le coffre, au moment où la porte, en s'ouvrant, actionnait ce terrible piège. « Souffres-tu ? » demanda-t-il à Pierre. « Comme un particulier qui a la patte agrippée par les mâchoires d'un traquenard. Les pointes s'enfoncent dans les os, dans la peau, dans la viande. Mais n'a pas peur, je gueulerai pas. Patron, faites votre affaire, j'attendrai un moment. Vous ne devez pas en avoir pour des heures. » Bamboche, blême d'effroi, s'approchait de Pierre en même temps que Laurent pendant que le comte fouillait les papiers de Germaine. Il reconnut la liasse, la déboucla fiévreusement et lut. Rapport sur la femme mâchue, dite la Barbette. C'était bien cela, il ne s'était pas trompé. Il ouvrit la chemise et poussa un cri de rage en parcourant la belle écriture administrative qui courait plusieurs feuilles. « Ah !» murmura-t-il, oubliant que son factotum, son alter ego, était pris au piège comme un fauve en maraude. « Ah, c'est terrible, elle sait tout !» Et elle a l'inconcevable force de me faire bonne mine, et de me sourire, presque de m'encourager. Mais j'étais perdu, perdu sans rémission, si je n'avais pas lu tantôt ces deux mots qui m'ont donné l'éveil. Ah, Germaine, Germaine, quelle femme êtes-vous donc ? Pendant ce temps, Pierre, aidé de Bamboche et de Laurent, essayait d'arracher la jambe. Vains efforts, le piège dissimulé au fond de la trappe tenait bon, et la douleur, peu à peu, devenait intolérable. Malgré son endurance et son énergie vraiment prodigieuse, le bandit par moments défaillait presque. De larges gouttes de sueur coulaient sur sa face, et il grinçait des dents comme s'il eût broyé du verre. « Attends !» lui dit Laurent. « Je vais tâcher de découvrir le truc pour faire agir le ressort. Dépêche-toi, car en vérité je commence à avoir trouble, et la lanterne danse devant mes yeux. » Laurent fourra sa main au fond du trou, tâtonna, chercha, et ne trouva rien. Il sentit seulement les deux mâchoires du traquenard, mais ne put atteindre le ressort. Le comte lisait toujours, et lui aussi grinçait des dents. Il se sentait pris comme son complice, happé par ses propres crimes, à la merci d'une femme qu'il aimait follement, et qui, un peu plus tard, s'il n'y mettait bon ordre, allait prendre une revanche terrible. À la honte d'avoir été ainsi joué par Germaine se mêlait une rage folle et une véritable épouvante, en voyant que sa fortune, édifiée à quel prix, allait s'écrouler. « Vais-je la tuer ? » grondait-il. « Morte la bête, mort le venin subtil, cet amour maudit qui m'affole. En aurais-je le courage ? Ne vaut-il pas mieux la mettre dans l'impossibilité de me nuire ?» Pierre commençait à geindre faiblement. « C'est toi ! » dit le comte de sa voix sifflante. « Il y a une cinquantaine de mille francs dans ce coup. Il y a une cinquantaine de mille francs dans ce coffre maudit. Tu auras ma part, la moitié, plus la tienne. » Laurent, avec une lime, essayait de couper le piège et employait toute sa force. Vains efforts. Malgré sa trempe, la lime ne mordait pas et glissait comme sur du diamant. « Malheur ! » conta-t-il. « C'est le même acier que nos outils. Voyons la scie. » Il fit agir, sans plus tarder, une petite scie circulaire à métaux et montait sur un tour portatif actionné par un puissant mécanisme d'horlogerie. À peine fut-elle en contact avec le piège que les dents se brisèrent comme du verre. « Malheur !» fit pour la seconde fois Laurent. « Je crois bien que t'es fichu, mon pauvre ami. Patron, à mon secours !» gémit Pierre. Le comte achevait en gros la lecture des documents secrets. Suffisamment édifié, il les remettait en place, raflait en un clin d'œil l'or, les bijoux, les billets, les répartissait prudemment dans les poches de Laurent et de Bamboche et ajoutait avec un singulier accent de commisération. « Pauvre Pierre, mon bras droit, Va falloir le sacrifier. Qui jamais pourra le remplacer ? Au secours ! Gémit plus plaintivement encore le misérable. Tu connais nos conventions, n'est-ce pas ? Oui, oui, délivrez-moi. La délivrance ? Il n'y en a plus qu'une de possible pour toi. Quand l'un de nous est pris, dans l'impossibilité de se sauver, on le tue, pour la sécurité des autres. Mon pauvre Pierre, je vais te tuer, tu ne souffriras pas. Tu sais combien tu en as exécuté, tes camarades pincés comme toi ? C'est la règle implacable, mais essentielle dans l'intérêt de tous. Du reste, tu serais reconnu et infailliblement gerbé à la passe, condamné à mort. Malgré leur endurcissement, Bamboche et Laurent frémissaient, pris de terreur en songeant qu'un pareil sort leur était peut-être réservé. L'un et l'autre se disaient « Si c'était moi pourtant !» Le comte tira de sa poche un poignard à lame courte et large, moitié dague, moitié coutelas, et tranchant comme un rasoir. Au moment de frapper ce complice de tous ses crimes, cet homme au dévouement aveugle et sauvage, dépositaire de tous ses secrets, il éprouva un moment d'hésitation. Pierre, lui, eut une vague lueur d'espoir. Il tenait à la vie et avait une foi absolue en l'ingéniosité de son maître. Le comte saisit le regard de supplication ardente qu'il lui jeta. « Pauvre bougre, dit-il, je t'empresse, il faut agir. Voyons, Pierre, si au lieu d'y laisser la peau, tu y laissais seulement ta jambe. Ce serait du moins encore la vie, murmura le brigand qu'une épouvante effroyable envahissait peu à peu. Es-tu sûr de toi ? Tu ne crieras pas ? La souffrance ne t'arrachera même pas un gémissement ? Je le crois ! Donnez-moi quelque chose à mordre ! Le comte, avec son couteau, trancha un morceau de tenture et le lui jeta. Pierre l'enroula, le tordit et le mit entre ses dents. « Et maintenant ? Ajouta mon Dieu. « Courage ! Il me faut t'abattre la jambe au milieu du mollet. Laurent, tu as une scie ? Oui, maître. Donne. Bon, celle-là fera l'affaire. Tu tiendras la lanterne de façon à bien m'éclairer. » Il allait porter le premier coup et tailler en pleine chair. Une réflexion lui vint. Et le sang, pensa-t-il. Avant d'arriver en lieu sûr, il serait mort d'hémorragie. Il prit alors une embrasse de rideau en satin, l'enroula autour de la cuisse de Pierre, la tordit avec le premier objet qui lui tomba sous la main et qui était une pince de fer. Il fit ainsi un garrot qui rudement comprima les chairs et, en diminuant très notablement le calibre des artères, devait, du moins en partie, empêcher l'hémorragie. Pour la seconde fois, il dit de sa voix basse toute sifflante « Du courage, Pierre !» Laurent approcha la lanterne. Bamboche, malgré son endurcissement, se mit à trembler. Pierre eut une longue aspiration et se tassa pour ainsi dire sur lui-même dans l'attente d'un choc. D'un seul coup de son couteau, le comte trancha les chairs du mollet jusqu'aux os. Malgré le garrot, le sang jaillit, rougit la lame, couvrit la main et ruissela sur le tapis. Pierre serra les dents à couper l'étoffe, mais ne broncha pas. Seulement, on entendit frissonner sa chair et craquer ses jointures. Le comte empoigna la scie et se mit à sectionner à petits coups rapides et presser les os. La sciure, mêlée de sang, jaillissait en avant et en arrière, et les spectateurs de cette scène effroyable serraient les dents, retenaient leur respiration, prêts eux-mêmes à défaillir en éprouvant un malaise dont ils s'étonnaient eux-mêmes. De grosses larmes coulaient des yeux du mutilé, ruisselaient sur ses joues et se mêlaient à la sueur qui se répandait en nappes. Un dernier trait de scie, un dernier coup de couteau pour abattre les pans de loques de peau ou de chair, et le membre était détaché. « C'est fini, » murmura Pierre d'une voix éteinte. « Fini, mon pauvre vieux, » répondit le sinistre opérateur qui venait accomplir à la diable cette besogne d'écarisseur. « Tu guériras. Un homme de ta trempe ne meurt pas de ça. On aura soin de toi, et pour commencer, on va te transporter rue de Provence. » Mais Pierre ne l'entendait plus. Après un brusque hoquet, il venait de perdre connaissance. « Ça vaut mieux, » fit Laurent, « et le pauvre camarade sera plus commode à emporter. » On l'allongea sur le tapis, le comte enveloppa le moignon sanglant dans une moitié de rideau, et tous trois se mirent en devoir de partir. « Et la quille à Pierre ?» demanda Bamboche. « Est-ce qu'on la laisse pour solde ? Mieux vaudrait peut-être essayer de l'arracher. »« Garde-t'en bien, » fit le comte vivement. Qui sait s'il n'y a pas une autre invention diabolique pour arc-pincer l'imprudent qui tenterait d'enlever cette viande. Merci, j'ai pas envie de laisser une aile en compagnie de ce fumeron. Quel terrible chirurgien vous faites, patron. Laurent prit le blessé sous les épaules, Mamboche le saisit par la jambe valide et son moignon. Le comte, muni de la lanterne, ouvrit la marche et l'affreux cortège s'avança lentement, sans bruit, avec des glissements d'ombre, à travers le salon, l'escalier, le vestibule. La Louis XV va rien faire sa trompe quand elle verra qu'il y a comme ça du résiné, du sang, dans sa cambriole, et qu'on lui a effarouché ses philippes. Silence ! Fit le comte qui tenait sa lanterne au ras du sol et brandissait son couteau prêt à égorger le premier qui s'aviserait de barrer la route ou de donner l'alarme. Ils mirent un grand quart d'heure à arriver sous la voûte, derrière la grande porte, tant ils prirent de précautions pour éviter le moindre bruit. Le comte avait éteint sa lanterne, désormais inutile. De la main gauche, il tâtonna la serrure, et quand il l'eut trouvée, il piqua de son couteau le pêne et le fit glisser ainsi hors de la gâche en tirant sur l'avantail pour le maintenir par simple pression. Il le fit sortir entièrement, après l'avoir piqué seulement deux fois. La porte s'ouvrit sans bruit. La route était complètement déserte. Ils sortirent Pierre, toujours sans connaissance, et aperçurent la voiture qui stationnait à la même place. « Veine !» fit Bamboche, qui en avait assez de transporter son complice. « La roulante !»« Pauvre bougre !» dit Laurent. « Il avait dit qu'on en aurait besoin pour se désbigner au plus vite. » Un pressentiment, quoi. C'est que c'est de nous. Hé, hey, gringalet, dit-il au cocher. Avance au truc, v'là de la viande. Et le comte, qui s'en allait à pied, tout pensif, songea quand la voiture eut disparu. Est-ce que mon étoile pâlirait? Brad Saint-Doux étranglé, Guy de Maltaverne tué d'une balle, Pierre mutilé, tous trois en si peu de temps, serait-ce le commencement de la revanche? « Oh, mais je ne suis pas homme à me laisser faire. Puisqu'il en est ainsi, tant pis pour Germaine, et malheur à elle !»